nouvelle séquence de notre matinale des droits et libertés. Aujourd'hui, on aborde un thème où le droit, la médecine et l'intime s'entremêlent. L'aide à mourir, faut-il l'autoriser en France ? Un débat sensible, douloureux parfois, et qui revient régulièrement dans l'actualité. Pour en parler, nous accueillons Adeline et Céphédine qui vont travailler en profondeur sur cette question complexe. Merci à vous deux d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Adeline, vous commencez votre travail en rappelant ce que dit le droit français aujourd'hui. Pouvez-vous nous l'expliquer ? En France, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits. Ce que la loi permet, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès, dans certains cas très encadrés, comme le prévoit la loi Cléo-Leonetti de 2016. Cette loi vise à éviter l'acharnement thérapeutique. Elle garantit par exemple le droit d'arrêter un traitement ou de refuser un soin devenu disproportionné. Mais elle ne répond pas à toutes les situations humaines. Céphédine, vous montrez dans votre travail que certaines situations restent sans réponse. Lesquelles ? Ce sont les cas de souffrances extrêmes liées à des maladies incurables. Même les soins palliatifs ne peuvent pas toujours les soulager. Pour ces personnes-là, demander une aide à mourir n'est pas un choix philosophique. C'est parfois la seule manière d'échapper à une douleur insupportable. Il y a aussi une grande injustice. Les personnes qui en ont les moyens vont en Belgique ou en Suisse, où cette aide à mourir est légale, les autres ne le peuvent pas. Dans la situation actuelle, des inégalités sont créées entre malades. Aline, vous listez plusieurs arguments avancés parmi ceux qui veulent changer la loi. Quels sont les principaux ? Le premier, c'est la dignité. Certains malades ne veulent pas vivre leurs derniers mois dans des conditions qu'ils jugent indignes. La deuxième, c'est la liberté. Chacun devrait pouvoir décider de sa fin de vie quand la souffrance devient insupportable. Le troisième, c'est l'égalité d'accès. Aujourd'hui, seuls les patients qui peuvent voyager à l'étranger ont cette possibilité. Pour les autres, il n'y a pas de solution. Céphédine, vous donnez aussi la parole aux opposants de votre travail. Que craignent-ils exactement ? Beaucoup ont peur des dérives, comme les pressions sur les personnes vulnérables, des tentations pour certains de demander la mort pour ne plus être un poids, ou même la fragilisation, du rôle des médecins. En effet, certains pensent que l'aide à mourir, si elle existe, eh bien, l'État fournirait bien plus d'investissement dans le développement de cette aide à mourir plutôt que dans celle des soins palliatifs ou dans la recherche sur la douleur. Enfin, pour une partie des opposants, il s'agit d'un enjeu moral, où ils considèrent que la vie ne peut pas être volontairement abrégée. Aline, vous terminez votre travail sur une idée forte. Pourquoi ce débat revient-il régulièrement dans la société française ? Parce que les situations réelles sont très diverses et que certaines personnes vivent une souffrance prolongée que la loi actuelle n'accompagne pas toujours. Et surtout, la société évolue, les mentalités changent et les patients demandent de plus en plus d'être acteurs de leurs décisions médicales. On voit que l'aide à mourir n'est ni un débat simple, ni un débat théorique. Il touche directement la dignité, la liberté et les limites de la médecine. Merci Aline, merci Céphédine pour votre rigueur, votre respect et votre sensibilité. Merci aussi de nous avoir rappelé que le droit peut être clair sans toujours satisfaire la réalité des souffrances humaines.